4. Prise de contact avec les Micmacs. Jeudi 2 juillet 1534. Le lendemain 2 juillet, nous allâmes explorer la terre du côté nord à celle que nous connaissions déjà et qui forme le côté opposé d'un golfe. Nous l'appelâmes le golfe de Saint-Lunaire. Le terroir qui est du côté du sud de ce golfe est bon et beau à cultiver et plein de belles campagnes et prairies. Il est tout plat comme serait un lac. Et celui qui est vers le nord est un pays haut, avec montagnes hautes, pleines de forêts, de hautes futaies, de différentes essences. Entre autres, il y a de très beaux cèdres et sapins, bons à faire des mâts de navires de plus de 300 tonneaux. Et tout le pays est plein de bois. Cependant, en deux parties, fort basses, il est couvert de prairies au milieu desquelles se trouvaient de très beaux lacs. Le cap de cette terre du sud fut appelé Cap d'Espérance, en raison de l'espérance que nous avions d'y trouver un passage. Le 4e jour de juillet, nous longeâmes la côte nord pour trouver un port et nous entrâmes en un petit lieu, tout ouvert vers le sud, où il n'y avait aucun abri pour le vent. Et nous trouvâmes bon d'appeler le lieu de Saint-Martin. Nous demeurâmes là depuis le 4e de juillet jusqu'au 12e. Lundi 6 juillet 1534. Pendant le temps où nous restions en ce lieu, nous allâmes, le lundi 6e de ce mois, après avoir entendu la messe, pour explorer avec une de nos barques un cap et une pointe de terre qui étaient éloignées de 7 ou 8 lieues du côté d'ouest. Arrivés à 2 lieues de la pointe, nous aperçûmes de bandes de barques d'hommes sauvages qui passaient d'une terre à l'autre. Il y avait plus de 40 ou 50 barques. Une partie des barques approcha de cette pointe et un grand nombre de gens sautaient à terre en faisant grand tumulte. Ils nous faisaient signe de mettre pied à terre et ils montraient des peaux tendues sur des bois. Mais comme nous n'avions qu'une seule barque, nous ne voulûmes pas y aller et nous naviguâmes vers l'autre bande qui était en mer. Eux, nous voyant fuir, ordonnèrent à 2 de leurs plus grandes barques de nous suivre. À celles-ci se joignirent 5 autres de celles qui venaient du côté de la mer et tous s'approchèrent de notre barque en sautant et faisant des signes d'allégresse et d'amitié. Ils disaient en leur langue « Naputon damen asurta » et d'autres paroles que nous ne comprenions pas. Mais parce que, comme nous l'avons dit, nous n'avions qu'une seule barque, nous préférâmes nous méfier de leurs signes et nous leur fîmes comprendre qu'ils devaient partir, ce qu'ils ne voulurent pas faire. Mais ils vinrent avec une si grande furie vers nous qu'aussitôt ils environnèrent notre barque avec les 7 qu'ils avaient. Et parce que, malgré les signes que nous faisions, ils ne voulaient pas se retirer, nous lâchâmes de passes volants sur eux. Épouvantés, ils s'en retournèrent vers la pointe en poussant de hauts cris. Après une courte pause, ils rampèrent vers nous. Quand ils se furent approchés de la barque, nous décochâmes 2 de nos dards au milieu d'eux, ce qui les épouvanta tellement qu'ils commencèrent à fuir en grande hâte et ne voulurent plus revenir. Mardi 7 juillet 1534. Le lendemain, une partie de ces sauvages vint avec 9 barques à la pointe et entrée du lieu d'où nos navires étaient partis. Avertis de leur venue, nous allâmes avec nos barques au-devant d'eux. Mais dès qu'ils nous virent, ils se mirent en fuite, faisant signe qu'ils étaient venus pour trafiquer avec nous et montrant des pots de peu de valeur qui leur servent de vêtements. De notre côté, nous leur faisons signe que nous ne leur voulions pas de mal. Pour le leur prouver, 2 des nôtres descendirent à terre pour aller vers eux et leur porter des couteaux et autres objets de métal avec un chapeau rouge pour donner à leur capitaine. Voyant cela, ils débarquèrent à leur tour, apportant leurs pots, et ils commencèrent à trafiquer avec nous. Ils manifestaient une grande et merveilleuse allégresse d'avoir de ces outils et autres choses, dansant toujours et faisant plusieurs cérémonies. Entre autres, ils se jetaient de l'eau de mer sur la tête avec les mains. Ils nous donnèrent tout ce qu'ils avaient, ne gardant rien, au point de repartir tout nus. Et ils nous firent signe qu'ils reviendraient le lendemain et apporteraient d'autres pots. Mercredi 8 juillet 1534, le jeudi 8e du mois, parce que le vent n'était pas bon pour risquer une sortie avec nos navires, nous appareillâmes nos barques pour aller découvrir ce golfe, et nous parcourûmes en ce jour 25 lieues à travers le golfe. Jeudi 9 juillet 1534. Le lendemain, ayant bon temps, nous naviguâmes jusqu'à midi. Nous nous aperçûmes alors que les terres basses étaient surplombées de hautes montagnes. Mais voyant qu'il n'y avait point de passage, nous fîmes demi-tour, longeant la côte. En chemin, nous vîmes des sauvages au bord d'un lac situé près du rivage. Ces sauvages faisaient plusieurs feux. Nous nous approchâmes de cet endroit et nous découvrîmes qu'il y avait un canal de mer qui entrait dans le lac. Nos barques abordèrent des bords de ce canal. Les sauvages s'approchèrent de nous avec une de leurs barques et nous apportèrent des pièces de loup marin cuites piquées sur des branches, puis ils se retirèrent, nous donnant à entendre qu'ils nous les donnaient. Nous envoyâmes des hommes à terre avec des mitaines, des couteaux, des chapelets et autres marchandises, dont ils se réjouirent infiniment. Et aussitôt ils vinrent au rivage où nous étions avec leurs barques, apportant des pots et autres choses qu'ils avaient pour les échanger contre nos marchandises. Ils étaient plus de 300, tant hommes que femmes et enfants. Une partie des femmes était entrée jusqu'aux genoux dans la mer, sautant et chantant. Les autres, qui avaient traversé jusqu'à nous, s'approchaient de nous sans façon, frottant leurs bras avec leurs mains. Après, ils les haussaient vers le ciel, sautant et rendant plusieurs signes de réjouissance. Et ils prirent tellement confiance qu'enfin ils trafiquaient de main à main de tout ce qu'ils avaient. Finalement, il ne leur resta plus rien que le corps tout nu. Nous comprîmes que ces gens pourraient aisément être convertis à notre foi. Ils vont de leur lieu en autre et vivent de la pêche. Leur pays a de meilleurs climats que l'Espagne et c'est le plus beau qu'il soit possible de voir. Tout est égal et uni, pas le plus petit endroit qui ne soit garni d'arbres et de froment sauvages, qui a l'épi comme le seigle, le grain comme l'avoine, et des pots aussi épais que s'ils avaient été semés et cultivés, et du raisin blanc et rouge, avec la fleur blanche dessus, des fraises, des mûres, des roses rouges et blanches, et autres fleurs dont le parfum est plaisant, doux et agréable. Aussi, il y a là beaucoup de belles prairies, de bonnes herbes et des lacs, où il y a grande abondance de saumon. Ils appellent une mitaine en leur langue cochi, et un couteau bacon. Nous appelâmes ce golfe « golfe de la chaleur ».